On retrouve presque une nouveauté par doublette dans l'émission de ce soir, toujours dans l'aspect française. On va maintenant s'écouter Irgol. Alors c'est pas la nouveauté hein, de la doublette à venir. Irgal, je me plante assez souvent sur la prononciation. Le groupe de black metal français nous sort son troisième effort studio. Il a pas de titre, on peut le traduire par un album éponyme ou juste en fait il a pas de nom. Un titre pour un peu moins de 40 minutes, des noms de morceaux, des paroles tout chantées en français. Regarde, là on est sur du black bien tradit, bien exécuté et qualitatif. Comme d'habitude, à une sortie signature Les Acteurs de l'Ombre. Et un doublet de changement radicalement d'ambiance avec Pulsating Cerebral Slime. Là on est sur un one man band qui nous vient de Lyon, on est sur du grind. Le groupe est actif depuis 2013, il sort là du coup son troisième album studio. 16 titres pour 30 minutes, une vraie batterie, pas de parole du tout, juste du bon dégueulis gruqué. À noter cependant que la thématique est portée sur la franchise Alien, comme on peut le constater rapidement et aisément sur le titre de l'album, les titres de morceaux et l'artwork. Voilà, Pulsating Cerebral Slime, c'est la nouveauté de la doublette que l'on va s'envoyer tout de suite. Irgol, le titre Diablerie, extrait du coup de l'album Poop. Et Pulsating Cerebral Slime, There Is Something On His Face, extrait de l'album No One Can Hear You Scream. Facile celle-là. We'll be right back. disais, on est presque à une nouveauté par doublette. Ben là, on va même carrément se faire une doublette de nouveautés, puisqu'on va clôturer l'aspect française et enchaîner du coup avec de nouveau la diff internationale. Tout d'abord, en clôture de l'aspect française, Clegane, du coup, évidemment, une nouveauté pour ce soir. On est sur du Doom Sludge qui nous vient de région parisienne. Le groupe est actif depuis 6 ans. Ils sortent là leur deuxième album studio, des compos longues, 5 titres qui excèdent les 8 minutes. Une musique lourde, monolithique, répétitive et donc hypnotique, avec des variations dans les ambiances et les parties vocales, pour éviter du coup le côté un peu chiant qu'on peut retrouver parfois dans le Doom. Donc voilà, Clegane, c'est pachydermique, tout simplement. Et pour le retour à la diff internationale, une autre nouveauté, In Twilight Embrace, groupe de black qui nous vient de Pologne, actif depuis une vingtaine d'années. Ils sortent là le sixième album studio du groupe. Un black plutôt riche, des compos assez longues, hein, bien souvent entre 5 et 9 minutes. Une petite touche, black atmosphérique, mélodico-mélancolique. Coucou Mgwa au passage, hein, forcément. Et à côté de ça, on est sur un mélodique black death d'inspiration suédoise à la sauce nécrophobique ou autre dissection, encore et toujours. Et sur ces parties-là, ça poutre sévère. Donc voilà, ouais, Try It Embrace, une plutôt bonne découverte et une belle nouveauté dans l'émission d'aujourd'hui. Clegane tout d'abord avec le morceau Fractured, extrait de l'album White of the Eyes. In Twilight Embrace ensuite, autre nouveauté, le morceau Iscray, extrait de l'album Lifeblood. C'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours bien à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On s'approche de la fin de l'émission de ce soir. Pour rappel, pas d'émission dimanche prochain pour cause de prise d'antenne Radio Béton post-Ocar. Donc voilà, encore une fois, soyez pas surpris en vous branchant sur les ondes si ce n'est pas nous, mais notre programme musical, c'est tout à fait normal. Et on continue la diff avec toujours plus de nouveautés. Artificial Brain, tout d'abord, une sortie Profound Lore Records. Cette nouveauté dans l'émission de ce soir, eh bien, c'est du death ricain, technico-progressif, actif depuis une dizaine d'années. Ils sortent là leur troisième album studio. Un death un peu dissonant et étouffant, à la Gorguts Ulcerate, un Artificial Brain, ça porte plutôt bien son nom d'ailleurs. Les compos sont moins longues cependant que les deux groupes précités, et ça reste sur une base assez frontale. Trois grattes dans la formation, donc forcément ça fait un espèce de mur très imposant. Et dans le line-up, et du coup derrière notamment les guitares, on retrouve un ex-gratteux de Revocation qui a passé 10 ans chez eux, histoire de voir un petit peu le niveau des bonhommes qui constituent Artificial Brain. Et en doublette, Dead Head, vieille formation de trash qui nous vient de Hollande, formée en toute fin des années 80, surtout là, le 7ème album studio. On est sur un truc d'inspiration Sadus, Dark Angel, et la version Creator la plus violente. Notez que le chant est particulièrement agressif pour un groupe de cet âge-là. Parasite Signal, le titre de Artificial Brain, extrait de l'album Artificial Brain. Donc, et Dead Head ensuite, Frequency Illusion, extrait de l'album Slave Driver, également une sortie Emerald Records. C'est parti. truth lies again. Scratching of nails. Turn on the light. Illusion, I cannot trust me anymore. Confusion feels like I've been here before. I hate to get my memory in line. The shadows, I feel my sanity decline. I have terrified myself. So pure and so clean. My disgrace will not be seen. Frequency, illusion. Resolving is face of mental disarray. Rejecting the cure that keeps me still away. Silence, atrocity grows in my mind. With darkness, I'll seek for all relief I find. Illusion. Illusion. Illusion. Illusion of delusion. Suivante que l'on ouvre encore par une nouveauté, j'adore ça quand Sylvain me programme des groupes en disant « Ah, Zizi, vas-y, c'est cool, ok, comment je prononce ça ?» Zizifen, c'est pas ouf, alors on va y aller à fond à l'anglaise, hein. Saisifin, du coup, une nouvelle nouveauté, hein, pour l'émission de ce soir, une découverte également pour ma part. On est sur du black un petit peu décisant, assez dissonant. La formation nous vient de Lituanie. Ils ont sorti un premier album en 2017, et là, à toute fin du mois de mai, ils viennent de sortir leur second album studio. 6 titres plus 2 interludes, les morceaux sont assez généreux, hein, de 5 à 10 minutes. On est sur un black, bien que lituanien, d'inspiration islandaise, à la sauce My Sperming et autres Svartidodi, et également des références à la scène française pour les Hausas et autres Despel Omega. Une recette sombre, malsaine, brutale, atmosphérique et puissante, avec cependant ce petit cocktail qui donne sa propre personnalité à la formation lituanienne. Et voilà, ça reste un travail ultra poussé et quali pour Saisifin. Et en doublette avec, nous aurons le groupe de Heavy Doom Cauchemar, la formation qui accuse une quinzaine d'années. Des textes en français portés par une vocaliste qui donne parfois l'impression de rester des incantations à la sauce Coven. Le tout en plus rehaussé par des orgues vachement occultes et donc des petites ambiances bien darkness. Saisifin, le titre Earth of Mercury, extrait de l'album Colors of Face. Cauchemar, ensuite le titre Rouge Sang, extrait de l'album Rosa Mystica. C'est parti. We'll be right back. C'est l'avant-dernière doublette pour l'émission de ce soir, et puis il y a encore une nouveauté. À noter que pour la doublette à venir, il y avait une grosse promotion sur la lettre A, puisque nous aurons tout d'abord Azahab, groupe de death qui nous vient du Pakistan. On en avait déjà pas mal parlé lors de la dernière émission. Premier album longue durée qui a vu le jour courant avril. Du death un peu tech, un peu old school, d'inspiration des premiers Decapitated. Et voilà, c'est des mecs d'expérience, ça fait plutôt bien le job. Et après Azahab, Vahamatar, duo black qui nous vient des États-Unis, toute récente formation, hein, le groupe a vu le jour en 2020. À noter qu'au niveau du line-up, donc au-delà du fait que ça soit un duo, eh ben c'est une batteuse chanteuse. C'est vraiment, à ma connaissance, c'est unique dans le style, et sinon c'est forcément très très rare. Voilà, le duo nous sort un premier album 6 titres pour 40 minutes, donc voilà, une fois de plus, des compos généreuses. C'est du black direct frontal, très cru, hein, du coup, ça dégouline les années 90, presque le raw black norvégien. Ça reste assez travaillé, du coup, pour un truc bas du front, mais pas trop non plus. Voilà, le détail est donné. Azahab, The Infernal Citadel, extrait de l'album Summoning the Cataclysm. Vahamatar, Axe of Dolor, extrait de l'album Medieval Geist. Une sortie Halloween Bonehead Production. Et c'est donc la dernière nouveauté de l'émission de ce soir. standing beside the grave, you vicious ones that begun you. Eviscerate them, you cannot feed them, cry, crucify. What so perish, dog of fire, burst of leg above that fire. We'll be right back. Et on clôture donc l'émission de ce soir avec un titre seul, parce que bah, de toute façon on n'a plus le temps, et puis on a diffusé tout ce qu'on souhaitait vous diffuser. Pour rappel, hein, une dernière fois, pas d'émission Hellbanger dimanche prochain, pour cause de prise d'antenne par Radio Béton, pour une émission spéciale post-Ocar. Donc voilà, c'est tout à fait normal si vous ne nous entendez pas dimanche prochain. On se retrouvera en revanche le 19 pour une toute nouvelle émission, de nouveau en différé, avec toujours plein de chouettes choses à s'écouter. Et on va donc se quitter tout de suite avec un extrait du dernier album des Portugais de Holocausto Cannibal, le groupe de Death Grind qui nous sort Cruza Ferina. Et on va s'écouter et se laisser tout de suite avec le titre Aniquilatia o Tsueda. L'album est sorti chez Self-Made God Production. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à dans 2 semaines. Ciao, ciao.